Écoutez et répétez les énoncés en respectant l'accentuation entendue. 1. Vous travaillez beaucoup trop. 2. Je prépare un rapport. 3. Maintenant, je fais des recherches. 4. Je vais souvent à la Bibliothèque nationale. 5. C'est une belle bibliothèque. 6. L'atmosphère y est calme. 7. Le service est courtois et efficace. 8. En plus de ça, c'est gratuit. 9. Elle doit rendre son rapport vendredi. 10. D'après moi, il n'y a rien à faire avec lui. 11. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. 12. Il est certain d'obtenir le poste. 13. La convention collective devrait être signée d'ici un mois. 14. Nos agents se feront un plaisir de vous aider. 15. J'ai un bac en lettres et une maîtrise en éducation. 16. Vendredi, je suis partie du bureau à 6 heures. 17. Aujourd'hui, il va arriver plus tard que d'habitude. 18. Je n'ai pas le temps d'aller chercher les photocopies.